Chapitre 19e. Un dîner à l'hôtel des Blue Posts. Ah, vous voilà encore. Je suis enchanté de vous voir. Telles furent les paroles par lesquelles Sophie Gourdeloup accueillit Harry Clavering dans son appartement un matin, peu de temps après son entrevue avec Archie Clavering en présence de Lady Ongar. La veille, Harry avait reçu de Lady Ongar un billet où elle lui reprochait de n'avoir pas rempli sa commission relative au comte Pateroff. Cette lettre commençait un peu brusquement par ces mots. « C'est bien mal à vous de ne pas venir me voir. Je vous ai prié d'aller trouver une certaine personne de ma part, et vous ne l'avez pas fait. » Cette personne est venue deux fois ici. Une fois j'étais sorti. Elle revint le lendemain à 9h du soir. J'étais malade et déjà au lit. Vous comprenez bien, tout cela m'ennuie. Je comptais que vous me rendriez ce service et je m'attendais à votre visite. Julie. Harry trouva ce billet en rentrant chez lui le soir, et le lendemain matin, il se rendit tout droit dans Mount Street en allant à son bureau. Il n'était pas encore 10h quand il fut introduit dans le salon de Madame Gourdeloup, et en jetant un coup d'œil sur sa toilette, il trouva qu'il n'était pas tout à fait prêt à recevoir des visites matinales. Mais il pouvait bien négliger ce détail, puisque Sophie elle-même ne paraissait pas y attacher la moindre importance. Elle avait sur la tête une espèce de bonnet de nuit qui pouvait bien être celui avec lequel elle avait couché. Ce bonnet avait une garniture et des prétentions à l'élégance, mais il datait déjà d'une époque assez reculée, et l'emploi en était depuis si longtemps absent qu'il fallait une certaine hardiesse pour se présenter avec une telle coiffure. Elle avait aussi un long peignoir blanc auquel il n'y avait rien à redire, sinon qu'il était usé au point de ressembler à un surplis fripé qui a fait un long service. Ses pieds étaient à l'aise dans des pantoufles élargies par un fréquent usage, et au-dessus de ses pantoufles, ce qui brillait le plus n'était pas la propreté. Mais Sophie se sentait fort à son aise en dépit de ces petits détails, et elle reçut notre héros avec un empressement curieux, qui n'était pas précisément bienveillant, et que Harry ne comprit pas du tout. « Je vous demande pardon de vous déranger, » lui dit-il. « Me déranger, comment ? Vous ne me dérangez pas du tout. C'est vous qui vous êtes dérangé pour venir. Vous venez de bonne heure et je n'ai pas mis ma crinoline. Si vous êtes content, je le suis aussi. » Puis elle sourit, s'assit brusquement, se laissant presque tomber dans un angle du canapé. « Asseyez-vous, monsieur Clavering, nous pourrons causer plus à l'aise. » « J'ai le plus grand besoin de voir votre frère. Pouvez-vous me donner son adresse ?»« L'adresse d'Edouard, certainement, au club des voyageurs. Mais il n'y est jamais. Il y envoie tous les jours chercher ses lettres. Vous voulez le voir ? Pourquoi ?» Harry resta tout interdit, ne sachant que répondre. « Il s'agit d'une petite affaire personnelle, » dit-il enfin. « Ah, une petite affaire personnelle. Vous ne lui devez pas d'argent, sans doute. Si cela était, vous n'auriez pas besoin de le voir. Eh bien, écrivez-lui. » Et il vous donnera rendez-vous. Tenez, voici du papier et de l'encre. Votre lettre lui arrivera aujourd'hui même. » Harry, sans aucun soupçon, fit ce qu'on lui disait et écrivit simplement au comte qu'il désirait vivement le voir. « J'irai vous trouver où vous voudrez, si vous voulez m'indiquer un endroit quelconque. » Madame Gourdeloup, comme on peut bien le penser, ne manqua pas de parcourir la lettre avant de l'envoyer à la poste, mais elle n'en sut guère plus long après l'avoir lue. « Votre lettre va partir tout de suite, » dit Sophie, quand l'enveloppe fut cachetée. Harry se leva alors pour partir, n'ayant plus rien à faire chez elle. « Comment, vous partez si tôt ? Êtes-vous donc si pressé ?»« Oui, madame, je suis un peu pressé. Je dois me rendre à mon bureau, et je ne suis venu ici que pour avoir l'adresse de votre frère. » Il partit en laissant son billet. Madame Gourdeloup eut alors un monologue en français, où Harry Clavering était traité de coquin, de sot, d'impertinent. 8 ou 9 fois, elle répéta ses aimables appellations, puis il se donna une violente secousse pour se détendre les nerfs et se mit en mesure de lire le billet. Le comte reçut le billet de bonne heure dans la journée, et avant que Harry eût quitté le bureau de M. Bailey, il eut la visite de Pateroff. Il le conduisit dans un petit salon, et pendant qu'il traversait, pour s'y rendre, une série d'autres pièces, la conscience de ce que sa mission avait de délicat lui causait une vive émotion. En ouvrant la porte du salon, il s'aperçut que le comte n'était pas seul. Avec lui se trouvait un gentleman qui ne lui fut pas présenté et en présence de qui Harry ne pouvait s'acquitter de sa commission. « Excusez-moi, » dit le comte, « nous sommes pressés de prendre le train, mon ami et moi. Êtes-vous retenu à dîner pour demain ? Si vous ne l'êtes pas, venez dîner avec nous au Blue Post. Vous connaissez l'hôtel. » Harry avoua qu'il ne le connaissait pas du tout. « Eh bien, » reprit le comte, « je vous le ferai connaître. Vous aimez le claret, vous en aurez. » Vous prenez du beefsteak, vous goûterez celui de l'hôtel. On vous donnera aussi du vin de Porto au dessert. Si vous ne l'aimez pas, vous apprendrez à l'aimer quand vous aurez dîné dans cet hôtel. Nous ferons un dîner tout à fait anglais. C'est le meilleur dîner du monde quand il est bon. Nous vous attendrons à 7 heures. Une minute après, nous vous mettrons à l'amende. Maintenant, adieu. Je suis déjà terriblement en retard. Là-dessus, le comte, sa montre à la main, s'esquiva si promptement que Harry n'eut pas le temps de lui répondre un mot. Il ne pouvait se dispenser d'aller au rendez-vous et il y alla. Le soir, il écrivit à Lady Ongar sous le même ton qu'elle-même lui avait écrit. Il lui dit qu'il avait fait de son mieux, qu'il avait vu le comte, mais n'avait pu lui parler. Le lendemain, il devait dîner avec lui et il passerait chez elle aussitôt après l'entrevue. À 7 heures exactement, Harry, craignant d'être mis à l'amende, était à l'hôtel indiqué, et il aperçut aussitôt le comte debout au milieu de la salle. Avec le comte se trouvait le gentleman que Harry avait vu la veille et qui lui fut présenté comme étant le colonel Schmorf. Il y avait aussi un petit anglais à l'œil vif, au cou de bulldog, aux favoris courts et bien plantés, que le comte présenta à Harry comme le capitaine Boodle. « Il connaît, dit-il, un de vos cousins, M. Archie Clavering. » Le colonel Schmoff salua sans mot dire. Mais notre vieille connaissance Boodle, avec sa volubilité ordinaire, s'empressa d'apprendre à Harry qu'il était l'ami intime d'Archie, qu'il connaissait Sir Hughes, qu'il avait vu Lady Clavering, et il ajouta qu'il était vraiment enchanté de faire sa connaissance. « Maintenant, messieurs, mettons-nous à table, » dit le comte. « Il y a un potage printanier, on le fait bien ici. Puis un peu de saumon et après ça le beefsteak. Rien de plus. Schmoff, mon garçon, aimez-vous le beefsteak ?» Schmoff, sans répondre et sans sourire, se contenta d'incliner gravement la tête et s'asseyant, déploya lentement sa serviette. « Capitaine Boodle, vous en prendrez, n'est-ce pas ?»« Vous me verrez à l'œuvre, » dit Boodle, « je ne vous dis que cela. »« Eh bien, nous verrons. » Quant à Schmoff, il mangera du cheval, à défaut de bœuf, et du chacal, à défaut de cheval. Le fait est que j'ai mangé du cheval une fois. J'étais dans une ville assiégée. Ce fut là tout ce que dit Schmoff, lentement, d'une voix de basse, et avec un froncement de sourcils. Cet effort lui coûta tant qu'il ne le renouvela pas de plusieurs minutes. « Grâce à Dieu, nous ne sommes pas assiégés maintenant, » dit le comte, pendant qu'on servait le potage. « Ah, Albert, mon ami, voilà de bons potages. » Mes compliments à Stubbs. Monsieur Clavering, Stubbs est le cuisinier. Ici, chacun fait de son mieux pour me servir. Vous ne risquez pas qu'on vous serve du cheval dans cette maison. Tout se passait assez agréablement, et Harry Clavering s'assit d'assez bonne humeur. Néanmoins, il éprouvait un vague pressentiment, une certaine frayeur que le comte ne lui échappa ce soir sans qu'il pût lui parler. Il dînait dans une salle ouverte au public, à une grande table entourée de plusieurs petites tables où dînaient d'autres personnes. Il était à peine possible de remplir la commission de Lady Ongar dans une pièce comme celle-là. Le comte, pensait-il, l'avait invité à dîner dans cet endroit, avec l'intention bien arrêtée de lui accorder le rendez-vous demandé, mais de ne lui fournir aucune occasion de parler. C'était du moins ce que croyait Harry. Il était bien décidé, dût-il saisir le comte par les basques de son habit, à ne pas le quitter sans lui glisser à l'oreille ce qu'il avait mission à lui dire. En attendant, le dîner continua gaiement. « Ah !» disait Paterov, « il n'y a pas de poisson comme le saumon frais. Mais il doit venir de chez Grove, et il faut Stubbs pour l'apprêter. Et moi pour le manger, » dit Boodle. « Sous mes auspices, » dit le comte, « et alors tout va bien. Monsieur Clavering, vous prendre un petit morceau de cou. Cela vous est égal, vous avez tort. Il faut toujours chercher ce qu'il y a de mieux, et se le procurer, si l'on peut. C'est là ce que je fais, » dit Boodle. Ne pas distinguer un morceau du cou d'un autre morceau, c'est ne pas savoir distinguer une fausse note d'une autre. Ne pas distinguer le beefsteak de Stubbs d'un autre, c'est comme si l'on disait qu'une femme vaut l'autre. Il y a pourtant une différence. Stubbs nous servira toujours, si vous voulez le payer, mais n'obtient pas qui veut le cœur d'une jolie femme. Est-ce que je me fais comprendre ? C'est clair comme de l'eau de roche, dit Boodle. Je suis de votre avis. Pourquoi rougirait-on de chercher ce qui est bon ? Tout le monde le fait. Non, pas tout le monde. Les uns ne peuvent pas l'avoir, d'autres ne l'apprécient pas quand ils le rencontrent. Ceux-là sont à plaindre. Je les plains du fond de mon cœur. Mais il y a un pauvre diable que je plains encore davantage. Harry Clavering, surpris de l'inflexion particulière que le comte donnait à sa voix, ne put s'empêcher d'éprouver une certaine curiosité. « Quel est donc, dit-il, celui que vous plaignez tant ?»« C'est l'homme qui ne digère pas, » dit le comte d'une voix claire et basse, et là-dessus, il baissa la tête comme s'il avait besoin de cacher une larme qui lui échappait. « C'est l'homme qui ne peut pas digérer. » Et relevant la tête, il promena ses regards sur toute l'assemblée. « Oh oui, vous avez mille fois raison, » dit Schmoff, que ses paroles paraissaient remuer jusqu'au fond des entrailles. « Le plus grand bien de la vie, » reprit le comte, « est une bonne digestion. »« Avez-vous jamais réfléchi à cela, capitaine Boodle ?»« Peut-être que non. Vous êtes trop jeune. Et vous, monsieur Clavrine ?»« C'est un sujet digne de vos méditations. » »« Digérer. Savez-vous ce que ce mot veut dire ?»« C'est jouir toujours des rayons du soleil ou de la fraîcheur de l'ombre. » C'est se voir accueilli par des sourires et comblé de baisers. C'est entendre toujours des sons mélodieux. C'est être bercé de doux rêves. Sentir l'attouchement d'une main douce et caressante. C'est être dans le paradis terrestre. Pourquoi Adam et Ève étaient-ils au paradis? Parce qu'ils digéraient bien. Puis, ils se sont dérangés. Ils se sont mis à manger de mauvais fruits qu'ils n'ont pu digérer. Qu'est-il arrivé? Ils ont ruiné leur constitution. Se sont fait chasser du paradis par un ange à l'épée flamboyante. Savez-vous ce que c'était que cet ange, l'indigestion? Tous les maux nous sont venus de là. Macbeth ne pouvait pas dormir, c'était son souper mal digéré, et non son crime qui en était cause. Sa femme avait des insomnies et des accès de somnambulisme pour la même raison. Milton était si mélancolique que parce qu'il digérait mal. Ah, la bonne digestion, c'est là ce qui fait le bonheur. Parfaitement vrai, dit Schmoff, parfaitement vrai. « Je vous crois, » dit Boodle. « Et comme le comte explique bien la chose, n'est-ce pas, monsieur Clavrine ?»« Je n'y avais jamais songé. »« Mais la bonne digestion est tout, n'est-ce pas votre avis ?»« Je n'ai jamais beaucoup pensé à cela, » dit Harry. « Comment ?» reprit l'intarissable discoureur. « N'avoir pas pensé à une des choses les plus importantes au monde ?»« Ah, vous y pensez bien, à un moment donné. »« Encore un peu de beefsteak, monsieur Clavrine. »« Voyez, il est tout chaud. » La conversation subit un moment d'arrêt, pendant lequel Schmoff et Boodle prouvèrent qu'ils savaient digérer, et le comte, se renversant sur le dossier de sa chaise, prit un air de réflexion profonde, comme s'il rêvait au grave sujet sur lequel il venait de faire de tels frais d'éloquence. Harry n'interrompit pas le silence, car au lieu de se livrer au plaisir du moment, il se préoccupait de la lutte qu'il devait engager ce soir avec Paterov. Schmoff rompit enfin le silence. « Quand je mangeais du cheval pendant le siège de Hambourg, commença-t-il. « Schmoff, interrompit le comte, « si nous vous laissons entrer dans l'enceinte de cette ville assiégée, nous en aurons pour le reste de la soirée. Si vous vous en souvenez, capitaine Boodle, nous avons entendu cette histoire déjà pendant 2 heures. « Voici le vin de Porto, monsieur Clavrine, voici pour accompagner le fromage. » Schmoff n'avait pas été heureux ce soir-là. À peine avait-il dit un mot de toute la soirée, et pourtant il aurait bien voulu dire son mot sur le goût de la viande de cheval. Il ne paraissait pas néanmoins en garder rancune, mais il n'essaya plus de se mêler de la conversation. Ils ne furent pas longtemps à boire les vins, et le comte lui-même n'en prit pas. « Capitaine Boodle, il faut avoir égard à ma faiblesse. Vous savez ce dont je suis capable. Si j'étais anglais comme vous, c'est-à-dire si j'avais un estomac d'autruche, je boirais jusqu'à minuit, et je mangerais des œufs grillés jusqu'à 6 heures du matin. Mais je suis incapable de pareils exploits. Buvons donc un peu, nous fumerons ensuite. » Harry commençait à se trouver mal à son aise, commença à quitter de sa mission. Il devenait de plus en plus évident pour lui que le comte ne voulait pas lui offrir l'occasion d'une conversation particulière. On chercha à le jouer, et cela commençait à l'irriter. On allait fumer dans une salle commune, et il prévoyait ce qui allait arriver. Le comte y resterait jusqu'à son départ, et il avait amené avec lui le colonel Schmoff pour prévenir tout entretien confidentiel. Le comte, sans doute, avait aussi calculé que, voyant le capitaine Boodle se lever pour aller dans la salle de billard, Harry se retirerait aussi. Mais non, Harry était bien décidé à rester. Il avait une mission à remplir et il s'en acquitterait. Dût-il le faire en présence du colonel Schmoff? Boodle se retira bientôt. Il était incapable de se contenter d'un cigare sans son grog ou autre stimulant, quelque charme que peut avoir l'éloquence de Paterov. Il ne pouvait rester longtemps tranquille. C'était un petit homme remuant qui faisait ou cherchait toujours à faire quelque chose dans sa propre spécialité. Des spéculations, où le risque était toujours moindre que la chance heureuse, occupait à peu près tout son temps. Il se montrait dans ce métier infatigable, ingénieux, et y était souvent heureux. Le mal était qu'en travaillant de la sorte au moins 12 heures par jour, il ne faisait qu'un assez mince revenu. Quand il avait fait ses 25 francs par jour, il se croyait favorisé du sort. Mais cela ne lui arrivait pas tous les jours de la semaine. Cela lui coûtait du reste des efforts incessants, puis, en dépit de son habileté, les revers arrivaient quelquefois. Parfois, une maudite jument dont personne n'avait jamais entendu parler déjouait tous ses calculs et lui faisait subir une perte sèche. C'est ainsi qu'il s'exprimait quand ses prévisions avaient été trompées sur le champ de course. Ses amis intimes le regardaient comme un homme favorisé du sort. Pour moi, j'aurais jugé une pareille vie misérable. Avoir toujours les mains blanchies par la craie d'une salle de billard, être toujours à fureter dans les écuries et à frayer avec les grooms, se contenter des étroits logements qui sont réservés aux hommes besogneux, aux courses de chevaux, être continuellement à courir après les jockeys, se voir parfois obligé de vendre son cheval quand on en aurait besoin pour chasser, passer son temps à calculer les chances de paris médiocres, tout cela ne fait à un jeune homme qu'une assez piètre existence. Et quand on est plus jeune, une telle vie est un enfer. À mon avis, le capitaine Boudel aurait été plus heureux comme percepteur des impôts ou clerc de notaire. Ce soir-là, Boudel s'en alla comme c'était prévu, et Harry se trouva seul à fumer avec les deux étrangers. Patoroff avait perdu son éloquence et son cigare à la bouche. Il restait aussi silencieux que le colonel Schmoff lui-même. Tous deux désiraient évidemment voir Harry se retirer. « Monsieur le comte, lui dit-il enfin, vous avez reçu mon billet. » Ils étaient 7 à 8 personnes dans la pièce où ils se trouvaient. « Votre billet ? Quel billet ? Ah oui ! Sans cela, je n'aurais pas eu le plaisir de vous voir, ici, ce soir. Puis-je vous parler 5 minutes en particulier ? Comment ici, ce soir, après dîner ? Une autre fois, s'il vous plaît. Je causerai avec vous des heures entières. J'ai besoin de vous parler aujourd'hui. Vous savez que je n'ai pu vous parler hier matin, vous étiez si pressé. Mais songez donc que les conversations particulières après le dîner ne valent rien pour la digestion. Si j'avais pu vous entretenir avant le dîner, je l'aurais fait volontiers. Si c'est nécessaire, j'y consens. Schmoff, voulez-vous m'attendre 10 minutes ? Je ne resterai pas longtemps. » En disant cela, il regardait sa montre. « Garçon, » dit-il ensuite d'un ton sec que Harry ne lui connaissait pas, « conduisez-nous, monsieur et moi, dans un salon particulier. » Harry, se levant, marcha devant le comte, affectant de rester indifférent au ton que prenait le comte. « Eh bien, monsieur Clavering, de quoi s'agit-il ? » dit Patoroff en regardant Harry en face. « Je vais vous le dire en 2 mots, en 1 seul, si vous pouvez. Je viens de la part de Lady Ongar. »« Pourquoi Lady Ongar vous charge-t-elle de ses commissions ?»« Il y a longtemps que je la connais. Elle est alliée à ma famille. »« Pourquoi n'envoie-t-elle pas ses messagers par Sir Hugh, son beau-frère ?»« Vous n'avez guère le droit de faire cette question. »« Mais si, j'en ai le droit. J'ai beaucoup connu Lady Ongar et je l'ai traitée avec bonté. Je n'ai pas besoin que personne m'apporte des messages de sa part. Mais continuez. » « Si vous avez quelque chose à dire, dites-le. »« Lady Ongar m'a chargé de vous dire qu'elle ne peut pas vous recevoir. »« Mais il faudra qu'elle me reçoive. Elle me recevra bon gré mal gré. »« Je dois vous dire qu'elle s'y refuse. »« Assurément, comte Patoroff, vous devriez comprendre. »« Ah, je comprends tout. »« Et en pareille matière, je comprends peut-être mieux que vous, monsieur Clavering. »« Vous avez fait votre commission. »« Maintenant, voulez-vous vous charger de la mienne ?» Cela dépendra entièrement de la nature de cette commission. Monsieur, je n'ai jamais fait dire de paroles inconvenantes à une femme, bien que parfois je sois tenté de leur parler, comme on parle à un homme. Par exemple, quand je vois un homme se mêler de mes affaires, vous comprenez ? Voilà ma commission. Dites-lui qu'elle fera bien de me recevoir, que cela vaudra mieux pour elle et pour moi. Quand ce pauvre lord mourut, et remarquez-le, j'étais son ami depuis bien des années, longtemps avant qu'elle eût entendu parler de lui. Je me trouvais auprès de lui. Il s'est passé des faits que vous n'avez pas besoin de connaître. J'ai fait de mon mieux pour être courtois envers Lady Ongar. Elle m'en récompense en me fermant sa porte. Cela m'est égal. Je ne me fâche pas contre une femme. Mais dites-lui qu'après ce que je vous ai dit, elle changera sans doute d'avis, et en conséquence j'aurai l'honneur de me présenter de nouveau chez elle. Au revoir, monsieur Clavering. « Avant peu, nous dînerons de nouveau chez Stubbs. » En disant cela, le comte avait changé de ton et repris l'air souriant qui lui était habituel. Harry lui serra la main et s'éloigna, ne se dissimulant pas que le comte avait eu le dessus dans cet entretien. Il avait néanmoins compris la situation et il pouvait aller dire à Lady Ongar que le comte Paterov connaissait son désir, mais ne voulait en tenir aucun compte.